Les médias du monde présentent la réalité éblouissante de la Corée. La télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong de Chine, l'agence de presse AKP et la radio nationale du Cambodge, le journal Veteran et la revue d'internet L'Enchichi de Russie, le journal bulgare Novo Labotnichesko de Londres, la paix des États-Unis ont rapporté en détail les réalisations obtenues dans la lutte pour l'édification d'une puissance socialiste comme le renforcement de la capacité militaire et l'exploitation du cosmos à usage pacifique sous la direction éminente du dirigeant suprême Kim Jong-un. Le parti révolutionnaire marxiste-léniniste du Chili a inséré dans leur homepage d'Internet un article à l'éloge du vrai aspect de la Corée, où sont assurés parfaitement la liberté et les droits de l'homme, et tout le peuple bénéficie à souhait de la civilisation socialiste et jouit du bonheur. Le journal allemand Lotte Pane a écrit que la Corée, qui n'est pas si grande, remporte toujours la victoire dans la confrontation avec les États-Unis grâce à sa puissance politico-militaire invincible. Le Comité national nigérien d'études du kim-sunisme kim-jong-lisme a écrit dans le homepage internet que les militaires et civils coréens étroitement unis dans une seule pensée autour du dirigeant suprême Kim Jong-un remporteront victoire sur victoire en créant l'essor et l'innovation étonnant le monde.